5. No, two tickets. No, I just want. Denon. Une entrée, s'il vous plaît. Merci. Une place, s'il vous plaît, oui. On est au mois de juin, madame, ça passera pas au contrôle. Quand vous venez, vous nous apportez les feuilles d'acétique, les bleus que vous recevez tous les mois. Là, pour l'instant, c'est 20 francs, mais c'est trop tard. Là. Tant pis, je reviendrai une autre fois, alors. Je ramènerai mes cartes. D'accord. Merci. Celles que vous recevez tous les mois. Oui, hein, d'accord. Je n'ai pas pensé, merci. Oh, s'il vous plaît. Two tickets for permanent collection. Is the Sully collection the everywhere. Same? Everywhere. S'il vous plaît. Oui. Côté aussi, ils sont de l'autre côté, il y en a aussi. Oui. Là-bas, les chaliers. Ticket, monsieur. Ah oui, oui, oui. Non, dos, que dos. Ah, dos. Dos, madame. Deux. Por qué dos? Porque pueden salir cuantas veces quieran. No, no, no, no, no. ¿Qué? Salimos tres veces. ¿Tú ticket o tres? Dos. Do you have a map? Information. Which is where? Over there. The. No. Ça c'est deux, ça. Ça c'est deux, madame. Deux. Drei persone. Non parla italiano. Parla gioconda. Ah, è permanente, non la persona. Pour l'exposition de peinture, c'est où ça, madame? De Nantes. Ah, de Nantes. De Nantes. Il y a tout là-dedans. Voilà. C'est deux places, deux tickets. De Nantes. L'exposition de demain, c'est là. Avez-vous des chèques de voyage? Français, non. Français? Oui. Yes. Give me, please. De 24 faut, personnes. Oui, mais c'est à l'accueil des groupes là, monsieur, dans le petit trou. Ils sont groupe, c'est pas ici. Mais j'étais voir les personnes. Ah, aussi, parce que vous n'êtes pas rentré, il faut rentrer, hein, bien sûr. Ah, bien, monsieur. Merci. One adult and one 17-year-old student. No, a student, age. 17. Huh? 17. 17? No, it's free. Do you have passport? I do. No. Control, upstairs. I'm sorry? Control, upstairs. Upstairs. Okay, you don't need the passport? No. Control. Do upstairs. I need one? Upstairs, please. All right. Monsieur? Two person. Two? Two. How much is it? Merci. Merci. Une fois, s'il vous plaît. Merci. Bon, si ça vous fait ça, moi ça me bourdonne dans les oreilles. Ah oui. C'est pénible. Bon. Alors, t'as pas trop. Combien? One? Two, Mona Lisa. Two, please. Oui. Ça fait 40, n'est-ce pas? Ben, si vous comptez bien, c'est ça, monsieur. Ah, c'était affiché 40, hein, ça a marqué 40. Ah, j'ai vu 600. Oui, d'accord, 600. D'accord, d'accord. Non, non, non. 60. Là, ça ne vaudrait pas le coup de venir. C'est deux, hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Voilà, merci. Merci. Vous avez mal lu, là. Hein. 600, ben, il a du mal lire, monsieur. Thank you.